بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومتبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، donc là on va poursuivre. La dernière fois, une fois de plus, comme j'ai expliqué, j'avais oublié d'enregistrer le ders. Je suis vraiment désolé. Mais bon, ça sera parmi les fadha'il qui seront accordés aux gens qui participent et qui assistent en direct. Ils ont été privilégiés par cela. Et ont entendu ce qu'il fallait entendre et ont compris ce qu'ils devront comprendre. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, on avait pris que les dalala min al-asma wa sifat, ce que indiquent plutôt les asma, les noms, sont les trois formes. On avait dit bil mutabaqa, par application, que le nom indique l'essence informée dont on parle. Wa dalala atadammun, c'est-à-dire l'indication par inclusion, c'est-à-dire que ce nom inclut l'attribut qui va avec, et dalalatuha bi iltizam, ce que ce nom implique comme attribut, comme autre attribut. Tayyib, on avait dit par exemple ism al-alim, al-alim qui veut dire l'omniscient. Donc lorsqu'on dit al-alim, cela, mutabaqatan, par application, s'applique sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui qu'on parle. On avait dit tadammunan, par inclusion, que al-alim inclut l'attribut du ilm, qui est le savoir. Donc ce nom indique et prouve l'attribut du savoir. Et troisième forme, c'était iltizaman, par implication, que al-alim implique forcément d'autres attributs. Comme par exemple, la kudra, la capacité, ou al-alim, le fait qu'il soit omniscient implique qu'il voit, donc l'attribut de la vue, et qu'il entend, donc l'attribut de l'ouïe, et ainsi de suite. Vous voyez, d'un nom, on peut en déduire d'autres attributs également. Et sachez que l'on tire des noms les attributs, comme on l'a dit, mais ce n'est pas le chaque attribut dont on tire un nom. Allah Azza wa Jalla, par des attributs, on n'en tire pas de noms, alors que tous ces noms, on en tire des attributs. Yaqul al-an, على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهات التضمن؟ Donc il a dit maintenant de combien de formes sont les indications des noms en ce qui concerne l'inclusion, ce qu'ils incluent. Ça va un peu répéter ce qu'on a dit auparavant. يقول هي على أربعة أقسام, de quatre formes. Ce que ces noms incluent comme attributs. De quatre façons. Il dit « Al-awwal wa al-ismu al-alam al-mutadammin li jami' ma'ani al-asma al-husna wa huwa Allah. » Donc en fait, déjà le premier nom, qui lui est un nom propre, comme on dira en français, s'appelle un nom propre, qui regroupe tous les attributs, tous les sens des attributs d'Allah. Quel est ce nom? C'est Allah. D'accord? Ce nom, c'est Allah. Allah, qui a le sens de la divinité, le Dieu. Donc ce nom à lui tout seul inclut tous les attributs divins et parfaits. Tayyib. Et dans le sens où Allah dit, Hu Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, qu'il est Allah, le Créateur, celui qui donne forme et celui qui donne la présence aux choses. Dans le Coran, l'auteur dit que c'est tellement le nom le plus important qu'on ne le voit jamais suivre d'autres noms, mais il est toujours suivi des autres noms. C'est-à-dire celui qui vient en premier, les autres noms le suivent. D'accord ? Après, ça rentre dans les règles de grammaire qu'on ne pourra pas expliquer ici, que les autres noms viennent comme sifat, attribut de ce nom-là. Mais ce nom-là ne vient jamais comme attribut des autres. Par exemple, dans le verset, on a dit quoi ? Hu Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Allah, en premier, cite Allah. Et ensuite, il cite d'autres noms. Donc, c'est-à-dire que le nom d'Allah Azza wa Jal vient toujours en premier et de là sont suivis, de suivre les autres. Et il dit Nahu zalika wa lam yati huwa qat tabi'an ghayri min al-asma. Et que le nom d'Allah Azza wa Jal n'est jamais venu, lui, en tant que suiveur des autres noms. Et ça, c'est qu'on l'a fihi nazar. Cette parole de l'auteur, elle est à est discutable car il y a un verset. Il y a un verset dans lequel Allah Azzawajal, justement, son nom vient en suivant. Et si je ne me trompe pas, il s'agit de Sourate Ibrahim ou Ra'd. Ibrahim ou Ra'd. Que le nom d'Allah Azzawajal vient en suivant un autre nom. Je crois plutôt que c'est Ibrahim. Où Allah dit, Alif Lam Ra, Kitabun Anzalnahu Ilayk, il tukhrij an-nas min adh-dhulumat ila an-nur bi'izni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid. Alif Lam Ra, un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que tu sortes les gens des ténèbres vers la lumière par la permission de ton Seigneur vers le chemin du puissant et du loué. Donc là, regardez bien, vers le chemin du puissant et du loué. C'est-à-dire que Al-Aziz, là, il est venu, Al-Hamid, il est venu en premier. Ensuite, il dit Allah illazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ensuite, il dit Allah est celui qui a tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux. Donc là, le nom d'Allah est venu après Al-Aziz, après Al-Hamid. Il est venu ce qu'on appelle en badel, en remplaçant. Donc là, Al-Azizi, Al-Hamidi sont cités en premier et Allah, le nom d'Allah, l'Azza Jalala, comme on l'appelle, est venu en suivant ces noms-là. À ma connaissance, c'est le seul verset où on va trouver cela. Sinon, sans quoi, le nom d'Allah Azzawajal, le nom Lafz Jalala, le terme Allah, est toujours en premier. Allahu Ta'ala A'lam. Donc là, c'est le premier. Le nom d'Allah Azzawajal, lui, il regroupe tous les attributs parfaits. Ce nom-là, on en tire tous les attributs parfaits. C'est la première forme. الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كأسمائه تعالى السميع والمتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها أو علانيتها. Ensuite, les noms qui eux incluent les sifat d'Allah عز وجل liées à son essence. Ça c'est la règle de base, comme par exemple السميع. As-Samir, qui veut dire le parfaitement entendant. As-Samir, ça inclut l'attribut de As-Sam, de l'ouïe. Et c'est une ouïe qui est parfaite, qui entend tout ce qui existe. Tous les sons, tous les bruits. Qu'ils soient des sons qu'on en entend ou pas. Pareil, Al-Alim, comme on l'a dit tout à l'heure, Al-Alim, c'est un nom qui, lui, inclut l'attribut de l'ilm. Ainsi de suite, ça on a déjà parlé. يقول مثلا واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها أو جليلها. Ensuite par exemple البصير qui veut dire البصر qui veut dire la vue. Donc là البصير c'est l'attribut de la vue parfaite de Allah Azza wa Jal qui voit tout. Toute chose, aussi grande soit-elle, aussi petite soit-elle, Allah voit tout. Il dit واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي قال الله عز وجل ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Donc pareil, العليم c'est le nom qui lui inclut l'attribut de العلم, du savoir. Un علم qui est parfait, qui entend toutes choses. Il dit également واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء Ijadan wa Irdaman wa al-Zalika. Également son nom est Qadir, Al-Qadir qui veut dire l'omnipotent, celui qui peut tout faire. Qui peut tout faire. Ce qui existe et même ce qui n'existe pas. Il peut tout faire. Donc ça, c'est la deuxième forme d'indication de ces noms. Le premier, c'est Allah Azza wa Jal, qui lui indique tous les attributs. Ensuite, il y a l'attribut que l'on déduit, que l'on extrait du nom. C'est-à-dire le nom d'Allah Azza wa Jal, parmi les noms qu'il a, on en extrait l'attribut qui est affilié. Ensuite, il dit الثالث ما يتضمن صفات فعل الله كالخالق الرازق الباري والمصور وغير ذلك. Ensuite, il y a les noms qui eux incluent l'acte d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, الخالق, ça inclut Allah Azza wa Jal. Il crée, qui est le créateur. Al-Raziq est celui qui croit au trois subsistances. Al-Musawwir est celui qui donne forme aux choses. Et ainsi de suite. Et Rabi, il dit, يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. Ensuite, quatrième forme, ce sont les noms par lesquels Allah Azzawajal se purifie et démontre qu'il est exempt de tout défaut. Comme par exemple, Al-Quddus. Al-Quddus, je ne sais pas comment on traduirait. Ce serait le sacré. Mais en français, ça ne fait pas apparaître ce sens-là, malheureusement. Le sens de que Allah Azzawajal est exempt de tout défaut. Et il y a Salam. Salam, ça peut être traduit de différentes choses. D'accord? Ça peut être la paix, ça peut être le salut. Et également une chose qui est Salim, c'est une chose qui est dénuée de tout. Par exemple, une personne qui est, quand on dit un homme qu'il est Salim ou Salim, c'est une personne qui est en bonne santé. Et qui est corporellement parfaitement constituée. Qui n'a aucun manque. Qui n'a pas d'handicap. Elle n'est pas mutilée. Elle n'a rien. Donc, Allah, Azzawajal, par son nom Salam, c'est que ce nom-là indique qu'il est dénué de tout défaut, de tout manque, de toute faiblesse. D'accord? Il y a des noms, ils incluent cela. Taïb. Il dit, بعد ذلك, كم أقسام الأسماء الحسنى من جهات إطلاقها على الله عز وجل. Donc maintenant il dit de combien de catégories sont les noms d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on les cite dans l'absolu. D'accord? De combien de sortes sont ces noms lorsque on les cite sur Allah Azza wa Jal dans l'absolu? Vous allez comprendre à travers la réponse. Minaha ma yutlaq ala Allah mufrada aw ma ghayrihi wa ma yatadammanu sifat al-kamal bi ay itlaq kal hayy al-qayyum al-ahad as-samad wa nahwa dhalika. Donc en premier lieu, il y a ces noms que l'on cite singulièrement ou communément avec d'autres noms. C'est-à-dire, c'est un nom, on le cite tout seul, ou on peut le citer avec d'autres noms, et que ce nom, à lui tout seul, inclut l'attribut de la perfection sous tous ses angles. Par exemple, El-Hayy, quand on dit El-Hayy, ce qui veut dire le vivant pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom, on peut le dire tout seul. Allah, Al-Hayy. Et on peut dire Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum. Les deux ensemble. C'est-à-dire, le nom peut le citer tout seul, Al-Hayy. On peut le citer avec d'autres noms, comme Al-Qayyum. Et ceux-là, ils viennent souvent ensemble, ces deux-là. Ou comme on dit, Al-Ahad As-Samad. Qui tous les deux ont le sens de l'unique. Vous voyez? Par exemple, dans le Coran, souvent Allah, il dit, Al-Alim Al-Hakim. L'omniscient et le sage. Al-Sami Al-Basir. Le parfait entendant et le clairvoyant. Tout comme on peut dire, Al-Alim tout seul. On peut dire Al-Basir tout seul. On peut dire Al-Samir tout seul. On peut dire Al-Ahad tout seul. Vous voyez, ce sont des noms, s'ils sont tous cités tout seuls, ou même lorsqu'on les cite avec d'autres noms, ils incluent forcément un sens de perfection. Dans l'absolu. Wa minha ma la yutlaq wa Allah ila ma'aq muqabili. Wa wa ma iza ufrida awhama naqsan. Et parmi ces noms, il y a ceux que l'on nomme forcément avec leur contraire. C'est-à-dire, c'est un nom, on peut le citer tout seul, car il pourrait laisser entendre un sens de défaut. Par exemple, Al-Dhar Al-Nafi'a. Al-Dhar Al-Nafi'a. Al-Dhar, ça veut dire quoi Al-Dhar, à la base, c'est celui qui nuit, qui cause nuisance. Al-Nafi'a, c'est celui qui apporte profit. Donc si on dit Allah ou Al-Dhar tout seul, c'est un sens en fait qui inclut le défaut de ne faire que nuire. Donc il faut mettre son opposé avec Al-Dhar Al-Nafi'a, celui qui nuit, mais également qui apporte profit. Tout comme on ne dit pas Al-Nafi'a tout seul. On le cite avec l'autre. On met les deux ensemble. Au cas d'alik, Al-Hafiz ou Al-Rafi'a, celui qui rabaisse et celui qui élève. Si on dit Allah ou Al-Hafiz tout seul, c'est-à-dire qu'Allah il rabaisse. Ça amène à quoi? Ça peut laisser un sens d'injustice. Donc on le met avec son opposé qui est Arafir. C'est celui qui rabaisse, mais c'est également celui qui élève. Wal-Mu'ti al-Ma'ni, celui qui donne et celui qui retient. D'accord? Celui qui donne, Allah ne donne pas forcément à tout le monde, et il retient, mais il ne retient pas forcément à tout le monde. Donc les deux, on les met ensemble. Al-Mu'iz al-Muzil, celui qui glorifie, on dira, et celui qui humilie. ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الذر ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده. Donc on ne peut pas dire celui qui nuit, ou celui qui rabaisse, ou celui qui retient, c'est-à-dire qui ne donne pas, ou celui qui humilie, tout seul. Ces noms-là, on ne peut pas les citer tout seul, car ils amènent un sens de défaut. وَلَمْ يُطْلَقْ قَتْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الْوَحِي كَذَلِكَ لَا فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُنَّةِ. Et on n'a jamais ces noms cités tout seul. Les noms qu'on vient de citer là, on ne les a jamais vus dans les textes seuls, individuels, si ce n'est cités avec leur opposé, toujours. Pour cette sagesse-là, pour laisser entendre le sens de perfection. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون. Également comme le nom المنتقم qui veut dire celui qui se venge. Ce nom n'est jamais venu seul. À chaque fois qu'Allah Azawajal le cite, il le cite avec ce qui est concerné par sa vengeance. Par exemple dans le sens que lui dit dans le verset. Et nous serons certes, nous nous vengerons certes des criminels. Certes, nous nous vengerons des criminels. Allah ne dira jamais nous nous vengerons, je suis celui qui se venge. Mais c'est toujours la chose de laquelle il se venge, en fait. Sur le tesage de la prosternation, verset 22. قَالَ أَوْ بِإِضَافَةِ ذُو إِلَى الصِّفَةِ الْمُشْتَقْ مِنْهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Ou alors le sens de la vengeance. On peut le trouver également avec le mot « ذو ». « ذو », celui qui possède, en fait. En arabe, c'est celui qui possède. Quand on dit « ذو مال », c'est une personne qui a de l'argent. On dit « ذو علم », une personne qui a du « ilm ». Et là, Allah, dans le Coran, il s'est nommé « وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ » que Allah, il est puissant, celui qui possède la vengeance. Donc, cet attribut de la vengeance est venu soit en étant affilié au mot « ذو » en arabe, c'est-à-dire celui qui possède la vengeance, ou alors Allah s'est nommé comme étant celui qui se venge, mais en citant la chose de laquelle il se venge toujours. Mais il ne s'est jamais nommé celui qui se venge comme ça tout seul. Toujours avec un ajout. D'accord ? Pour ne pas laisser un sens de défaut. Car souvent la vengeance, c'est une chose qui peut être vue comme un défaut chez l'homme. En tout cas. Donc voilà, je sais que ces deux sens-là, ils sont un petit peu subtils à comprendre, comme ça, surtout de loin. Mais bon, on fait l'effort. Et celui à qui ça ne paraît pas aujourd'hui, ça paraîtra demain, Inch'Allah. Le sens voulu de tout cela. فَنَكْتَفِي بِدَ الْقَدْرِ وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ